Oh, ça pue le tabac là-dedans. Laisse béton comme ça sent trop fort le tabac. Hello, madame. Salut. Et, oui, tiens, je veux te dire, la moto là, tu l'as garée là. Ouais. Pas de problème. Non, j'ai un problème. Là, ça passe. Tu veux le ressentir. Hein? Parce que devant, comme j'ai la fesse ouverte, moi devant, le volet est fermé, mais la fesse est ouverte. Alors si tu arrives, tu démarres la moto devant la fesse, c'est parce qu'il va démarrer dans la chambre. C'est pour ça que je démarre devant la rue sur l'autre côté. Ouais, parce que souvent après, ça va pas le faire.